ta main dans mes cheveux qui traînent un peu. C'est nouveau, c'est bien. Une odeur de café noir qui passe et vient dans nos bras, entre toi et moi. Oh, c'est bon la vie quand tu es là. Et ma journée se teinte des couleurs du souffle chaud de tes refrains. C'est nouveau, c'est bien. Un espoir qui voit enfin le jour au matin qui se languit, qu'il fasse encore nuit. C'est nouveau, c'est tout nouveau et ça remplit le cœur de pleine chaleur. C'est un bel hasard nouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. C'est nouveau, c'est tout nouveau et ça remplit le cœur de pleine chaleur. C'est un bel horizon de nouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. Le petit déjeuner, une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien. Une douche et le miroir qui devient flou, que tu m'écris tout plein de mots doux. Oh, c'est bon la vie quand tu es là. Le téléphone qui sonne, oh, j'ai presque envie de leur dire mais je me retiens. C'est si nouveau, c'est si bien. Je raccroche et devant moi, le jour qui se lève m'ouvre les bras. Une belle journée déjà. C'est nouveau, c'est tout nouveau et ça remplit le cœur de pleine chaleur. Un bel hasard nouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. C'est nouveau, c'est tout nouveau et ça remplit le cœur de pleine chaleur. Un bel horizon de nouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. Ta voiture qui s'en va, t'emmenant si loin de moi, je ne l'aime pas. C'est nouveau, c'est bien. Une odeur de café noir qui passe et vient. Je le vois en rêvant à toi. Oh, c'est bon la vie quand tu es là. Je pense aux mille choses que je vais te raconter après le dîner. C'est nouveau, c'est bien. Un espoir qui me revient. L'amour, ce matin je te languis. Je t'aime et je souris. C'est nouveau, c'est tout nouveau et ça remplit le cœur de pleine chaleur. Un bel hasard nouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. C'est nouveau, c'est tout nouveau et ça remplit le cœur de pleine chaleur. Un bel horizon de nouveau qui me rappelle ce qu'est. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Tout, tout, tout ça c'est nouveau.